Le comité britannique de solidarité pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne vient d'être organisé. Dans la cérémonie, ont pris part les officiels et membres des organisations d'études des études jetées et des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen. Il a été annoncé le programme d'action du comité réclamant l'arrêt des menées de guerre qui empirent la situation de la péninsule coréenne. Il envisage aussi d'agir pour le retrait des troupes US de la Corée du Sud et la conclusion d'un accord de paix coréen-américain et en faveur de la lutte de toute la nation coréenne du Nord, du Sud et de la diaspora pour la réunification nationale. Le soutien aux Sud-Coréens en lutte pour la démocratisation de la société et le renforcement de la solidarité avec les organisations politiques et sociales progressistes de divers pays du monde sont également le contenu du programme.